chercher la cause. Quand tout va mal, c'est là que tu vois qui sont tes potes et qu'on dévoile plus au quartier. Point, je suis devenu boss du terrain. Faire de vodka, je roule un pet, je regarde mon clip à la télé. Entouré, j'ai mon équipe, je calcule pas tous ces comédiens. Tu connais déjà la suite si tu payes pas avant le délai. Au fond du bang, c'est là que les plans se manigancent. C'était l'histoire d'un soir, elle me parlait de lui faire des gosses. Obligé de traîner des mères, bébé, joue pas à Monaco. Un bolide replaqué, on faisait la une des infos. Tu peux finir en chaise roulante, y'a beaucoup de choses qu'il faut pas dire. Les plus violents, c'est souvent ceux qui font pas de bruit. Je suis sur le deuxième album, y'en a qui rigolaient. Pendant que tu tues au rhum, je faisais du violet. Un petit cut sur la prod, mais moi une flûte, pas de violon. Y'a plein de zéros sur l'échec, je suis pas encore devenu millionnaire. On se contente pas du minimum, pas de contrefaçon, c'est réel. Armé comme un Tchétchène, au cas où ça finit mal. Y'a des billets de 500, et la nuit je fais des rêves. On parodait en Fiat 5, mais personne jouait de rôle. À 7 ça parodait en Fiat 5, mais personne jouait de rôle. Je voulais vivre comme un parc à